Dans un futur proche, dans la ville de Détroit, les androïdes à l'aspect humain sont devenus monnaie courante. Ils sont des assistants de vie, des policiers, des éboueurs, mais aussi des poupées de chair pour des humains fortunés. Bref, les androïdes sont parmi nous. Et si vous étiez non pas un de ces androïdes, mais trois d'entre eux, si vous vous éveilliez à la conscience, est-ce que vous mèneriez une révolution plutôt pacifiste pour faire valoir vos droits, ou deviendriez-vous un leader belliqueux pour faire payer à vos anciens maîtres toutes les sévices qu'ils vous ont infligées? Ce sont ces choix moraux que vous propose de faire Detroit Become Human, le dernier jeu vidéo signé David Cage. David Cage, le jeu vidéo à fleur de peau, c'est notre grand invité pour cet avant-dernier numéro de la saison de la méthode scientifique. Bienvenue à tous. Et bonjour David Cage. Bonjour. Mille merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'inviter. Ravi de vous recevoir ici au micro de la méthode scientifique sur France Culture. Alors je vais faire un rapide résumé de votre parcours pour les auditeurs qui vous découvrent, que vous évidemment amenderez une fois que ce sera terminé. Vous êtes d'abord musicien professionnel. Vous avez fondé votre studio d'enregistrement avec lequel vous composiez de la musique pour du cinéma, de la publicité ou des jeux vidéo déjà. C'est ça. Puis en 97, vous fondez le studio Quantic Dream pour produire votre premier jeu vidéo, The Nomad Soul, qui sortira 2 ans plus tard, avec une prise de taille pour ce premier jeu, puisque c'est David Bowie qui va non seulement signer la bande originale, mais qui va accepter d'incarner des personnages du jeu. C'est avec votre deuxième jeu, Fahrenheit, qui va sortir en 2005, que vous développez votre mécanique de jeu si particulière, des jeux émotionnels, à choix multiples, des narrations interactives, adultes, souvent très noires d'ailleurs, où les joueurs ne sont pas invités à massacrer des monstres, mais à vivre une expérience narrative où chacun de leurs choix va compter, va influencer le récit. Suivent Heavy Rain en 2010, que beaucoup qualifient aujourd'hui encore comme étant votre chef-d'œuvre, puis Beyond Two Souls en 2013, ce qui nous amène aujourd'hui à 2018 et la sortie de votre jeu le plus complexe, le plus complet, le plus impressionnant en termes d'arbre narratif, Detroit Become Human. Des choses à ajouter ? Non, c'est assez complet. C'est vrai que le studio a 22 ans, ce qui est très très long sur un média qui est finalement très jeune. Et c'est vrai que c'était un voyage absolument passionnant depuis Nomad Soul, où on a eu le bonheur de collaborer avec le chanteur David Bowie à l'époque, ce qui était vraiment quelque chose d'extraordinaire, comme on peut l'imaginer. Et jusqu'à aujourd'hui, ça a été un parcours fait de rencontres absolument passionnantes et de voyages, de rencontres de joueurs, de rencontres de talents. Voilà. Alors on va examiner votre univers, qui est un univers, il faut bien le comprendre pour des auditeurs qui sont peut-être pas familiers avec l'univers du jeu vidéo, qui est un univers très très particulier. On parle souvent de cinéma interactif. Je sais pas si vous aimez pas trop ce terme-là. Non, parce que ça recouvre des choses qui sont finalement assez éloignées de ce qu'on fait. Nous, on crée des expériences qui sont réellement interactives. Alors on crée des jeux qui sont assez atypiques, et notamment pour des gens qui sont pas forcément familiers des jeux vidéo, qui en ont peut-être une image où ils se disent bon, les jeux vidéo c'est violent, on a des armes, il faut tirer sur des zombies, des soldats, des aliens. On fait pas du tout ce type de jeu. On fait des jeux vidéo dans lesquels le joueur est dans la peau du ou des héros de l'histoire, et en fonction de ses choix, eh ben il va changer cette histoire. Donc il devient vraiment l'acteur de son scénario, d'une certaine manière, le réalisateur, le scénariste, c'est lui qui décide ce qui va se passer à travers ses choix. Et ses choix sont des choix moraux, sont des dilemmes, souvent sont des choix qui sont difficiles, qui sont pas blancs ou noirs. Il s'agit pas d'être gentil ou méchant, ça pose des vraies questions morales, ça interroge le joueur sur ses valeurs. Et c'est intéressant parce que on va reparler de cette mécanique de jeu. Effectivement, il y a pas de point d'expérience, il y a pas tout ce qu'on peut imaginer a priori autour du jeu vidéo, de développement d'un personnage, etc. C'est on suit vraiment, effectivement, on incarne ces personnages, parfois d'ailleurs avec certains clins d'œil, parce que les personnages que l'on incarne ne sont pas toujours ceux qu'on imagine incarner. On est vraiment dans l'objectif d'une expérience narrative très immersive. C'est vraiment ça le point central de vos travaux de création. C'est ça. Moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est ce que ressent le joueur à travers son expérience de jeu. Beaucoup plus que sur quel bouton il appuie, à quelle vitesse il va avec son pouce. C'est surtout qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il vit. Parce que finalement, c'est ce qu'il va retenir de l'histoire. Une fois qu'il aura terminé son jeu, qu'il éteint sa console, moi, je veux qu'il reste une trace de son expérience en lui, comme les meilleurs films qu'il a pu voir ou les meilleurs livres qu'on a lus souvent laissent une trace en nous et nous laissent un petit peu différents de ce qu'on était avant. Voilà l'espoir qu'on a à travers travers les jeux concrets, c'est de recréer ce que créent ces autres médias. Il y a d'ailleurs, à ce propos, dans Detroit Become Human, il y avait eu, alors on ne va pas dire une polémique, mais en tout cas, peut-être un peu de bruit autour d'une séquence du jeu qui se passe au tout début, où donc dans le jeu, il faut préciser que le joueur incarne tour à tour trois personnages, qui sont trois androïdes. Chaque androïde évolue dans un contexte différent. L'un d'entre eux va prendre la révolte des androïdes qui s'éveillent à la conscience, l'autre est plutôt du côté de l'enquête policière, et la troisième est une androïde, entre guillemets, domestique. Et il y a une scène que vous aviez sortie comme une forme de bande-annonce où cette androïde, donc Kara, qu'incarne le joueur, se retrouve confrontée à une scène de violence domestique. Et effectivement, on va demander au joueur de réagir dans une scène où un père abusif va maltraiter son enfant. C'est ça. Alors, c'est encore une fois, pour les gens qui sont pas familiers des jeux vidéo, tout ça peut sembler assez bizarre comme histoire. On essaye d'aborder des thèmes qui sont tout à fait courants dans n'importe quel autre média, que ce soit la littérature, la télévision, le cinéma, le théâtre, mais qui sont totalement inusités dans le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, c'est vrai qu'on s'est beaucoup concentré sur le fait de s'évader, d'avoir des lieux imaginaires, ou alors sur l'horreur, ou alors sur la violence. Mais on parle assez peu d'empathie, on parle assez peu de choses qui sont des sujets du monde réel. Réel, entre guillemets. Et ce qu'on a voulu faire avec Detroit, et c'est une démarche voulue et pleinement assumée, ça a été de créer un jeu qui va faire écho au monde réel et qui va faire réfléchir le joueur, entre guillemets, à ce qui se passe dans notre univers, dans notre société. Et on va aborder des thèmes qui sont assez inusités dans le jeu vidéo, dont celui de la demande de violence domestique, non pas pour en faire un jeu et s'en amuser, et je pense que le début de polémique qui avait été tenté venait de là, c'est de se dire, on peut pas s'amuser avec des sujets graves. Ce n'est absolument pas ce que fait le jeu. Au contraire, le jeu va nous mettre dans la position de quelqu'un qui assiste à ça et lui demander d'intervenir, et c'est vraiment de le confronter à cette forme de violence domestique, non pas d'une manière passive, non pas pour glorifier de la violence, etc., mais vraiment pour lui faire ressentir, lui faire vivre depuis un autre point de vue qui est celui de la victime. Qui est évidemment pas complaisant pour un centime. Et qui, au contraire, donne. C'est pour ça que je prenais cet exemple, parce que ça donne vraiment l'idée de l'immersion et de la notion de ces choix moraux qu'il va falloir faire pour protéger cet enfant contre son père abusif, alors même qu'on est programmé pour ne pas bouger, quoi. Absolument. C'est quelque chose qui est. C'est une des scènes vraiment fortes du jeu. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de thèmes qu'on aborde comme ça qui sont des thèmes souvent, parfois lourd, parfois difficile, mais jamais on ne glorifie la violence, ce n'est pas la violence pour la violence. La violence porte d'abord de l'espoir, porte de l'émotion, porte du choix, et vraiment met le joueur dans la peau de ses personnages et le confronte à cette situation. Pour revenir sur le départ de Detroit Become Human, ou Detroit Become Human en anglais, donc je le dis, hein, c'est le contexte de révolte des androïdes contre les humains, c'est un thème qu'on connaît dans la littérature depuis Asimov, récemment dans les séries télévisées avec Westworld. Pourquoi ce point de départ, David Cage? C'était un point de départ qui est, c'est vrai, assez classique et qui a déjà été traité. Nous, ce qui nous a vraiment passionné, c'est de prendre un peu à contre-pied. C'est-à-dire, souvent, on voit des histoires où les IA sont les méchants et les humains doivent les affronter pour sauver le monde. Nous, on a voulu prendre un point de vue assez opposé, qui est de se dire, c'est peut-être la naissance d'une nouvelle espèce intelligente qui découvre le monde avec de nouveaux yeux, quelque part. Et peut-être que l'humanité est une race, effectivement, qui est déclinante. Et en fait, on va pouvoir découvrir ce monde et découvrir l'humanité à travers les yeux de ces nouveaux être quelque part, et se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire qu'être humain. Est-ce que c'est simplement avoir de la chair et des os, ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est un état d'esprit? Est-ce que c'est l'empathie? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est toutes ces questions-là? C'est un jeu qui se veut profondément humaniste. Become Human, hein, c'est devenir humain. Et c'est profondément humaniste, et on ne parle pas de l'IA pour parler de l'intelligence artificielle et faire peur aux gens. Ce sont des androïdes qui ressemblent strictement à des êtres humains, qui découvrent en fait leurs émotions. Et donc en fait, ils vont avoir peur, ils vont avoir de l'espoir, ils vont avoir des doutes, ils vont avoir du trouble, etc. Ils vont vivre, ils vont avoir envie d'être libres, surtout et avant tout. Et c'est nous, avant tout ça, qui nous a passionnés, c'est de raconter une histoire profondément humaine à travers ces androïdes. Une histoire politique aussi, hein, puisqu'on parlait de Kara, qui est l'un des trois personnages. Un autre personnage, Marcus, qui est interprété par Jesse Williams, puisqu'il faut préciser aussi à nos auditeurs que tous ces personnages qui sont incarnés numériquement le sont avec des acteurs qui sont filmés en motion capture. On y reviendra. Mais donc Jesse Williams, qui est par ailleurs engagé dans la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, et on propose grosso modo un choix qui est celui de l'action pacifique contre la révolte armée, qui est évidemment un choix classique de la lutte pour les droits civiques. C'est donc c'est aussi un peu une interrogation politique. Oui, absolument. Et en fait, on prend simplement l'histoire au moment où certains androïdes commencent entre guillemets à s'éveiller, à ressentir des émotions, et ils veulent être libres. Ils rêvent d'être libres. Alors qu'aujourd'hui, ils sont dans cette histoire, ils sont traités comme des objets, puisque ce ne sont que des machines. Et en fait, on va les découvrir au moment où ils s'éveillent et ils commencent à découvrir une forme de conscience. Pour nous, c'était aussi le moyen de parler de n'importe quelle minorité, quelque part, ou n'importe quel groupe d'humains qui, à un moment, ne se sent pas reconnu, ne se sent pas accepté et qui va devoir être confronté à cette situation. Et c'est exactement ce qu'on fait avec ce joueur et ce personnage de Marcus. Et le joueur va être incarné notamment Marcus et va devoir décider quelle attitude adopter. Est-ce qu'on veut être Martin Luther King? Oui. Est-ce qu'on veut être Malcolm X? Choisit vraiment, il y a soit une marche, soit on prend les armes et on va libérer avec les armes nos frères emprisonnés. Donc c'est vraiment très très référencé, c'est la marche sur Washington. Enfin. Alors il y a énormément de choix, d'abord, ça ne se contente pas évidemment d'être l'un ou l'autre. C'est l'un des grands choix. C'est presque un choix qu'on construit à travers les différentes scènes du jeu pour savoir quel leader Marcus va devenir. Et en fait, on s'est effectivement inspiré beaucoup des droits civiques aux États-Unis dans les années 50 et de la ségrégation, etc. Mais on s'est énormément documenté pour travailler là-dessus et pas l'aborder bêtement et naïvement. On a étudié l'apartheid en Afrique du Sud, on a étudié la situation des Indiens aux États-Unis, on a réfléchi à Gandhi, on a regardé un peu, mais on est parti de Spartacus dans quelque part qui était la révolte des esclaves évidemment. Et donc en fait, on a essayé, et puis des révolutions plus modernes, il y a eu l'Ukraine, il y a eu Tiananmen, il y a eu différentes choses qui se sont passées. Comment est-ce qu'on vive ces leaders, ces gens qui se retrouvent quelque part dans ces positions-là, confrontés à une lutte d'une certaine manière, et certains ont choisi la voie pacifique comme Gandhi, d'autres Martin Luther King, d'autres ont choisi une voie violente. Voilà, on confronte le joueur à ces questions-là qui nous semblent des questions éminemment d'actualité. Et c'est vrai que tout ça, c'est pas des sujets de jeux vidéo, et c'est vraiment ce qu'on peut reprocher à Détroit quelque part, c'est de ne pas être un jeu vidéo classique, mais de vraiment proposer aux joueurs des questions, des dilemmes qui sont des choix difficiles, profonds et profondément connecté à notre monde. Et je peux attester, puisque j'ai joué au jeu, je peux attester qu'effectivement, ce sont des prises de décision beaucoup plus complexes. C'est-à-dire qu'on peut partir avec l'idée de dire je vais vouloir mener cette révolution pacifique, et puis finalement le jeu ne cesse de venir interroger ça et de venir jouer avec nos limites jusqu'au moment où on dit est-ce que tu vas basculer, est-ce que tu vas finir par vouloir prendre les armes, ou est-ce que tu vas maintenir cette position presque messianique. C'est assez intéressant de voir comment vous jouez finalement avec ces espèces d'avancées, de retours qui finissent par interroger les positions et les choix qui peuvent être des choix a priori effectués par les joueurs. Nous, c'est quelque chose qui nous a vraiment passionné dans le développement de Détroit. C'est on s'est retrouvé en prise avec des questions d'actualité peut-être auxquelles on n'avait nous-mêmes pas pensé initialement. Et en fait, on découvre, d'abord il y a une communauté de joueurs qui est incroyable sur Détroit, qui est hyper active et hyper créative. 2 millions de ventes les 15 premiers jours. Hein, c'est ça. Et qui a une réaction absolument vraisemblable au jeu, et on est vraiment très heureux de ça. Mais qui rebondit vraiment sur ces questions-là, et on voit des tas de gens nous raconter comment ils jouent et comment ils ont vécu ces dilemmes. Et on voit beaucoup de gens qui ont commencé en disant « moi je suis pacifiste », et puis ils essayent de tenir cette position pacifiste, et il y a un moment où ils disent « maintenant ça suffit, maintenant ça suffit », et ils ont une réaction violente. C'est pas pour... C'est ce qui m'est arrivé. Hein. Mais c'est pas pour justifier ou excuser, mais du coup, on a été dans la peau du personnage qui a fait ce choix-là. On comprend comment il en est arrivé là. Mmh. Et en tout cas, ça explique sans excuser ni justifier, évidemment. Un autre personnage, on a parlé de Marcus, de Kara. Un autre personnage, c'est donc Connor. Connor, c'est un androïde dernière génération qui est enquêteur lui-même sur les androïdes qui deviennent déviants. Écoutez cet extrait qui est la scène d'introduction du jeu. Le négociateur vient d'arriver. Monsieur, vous devez sauver ma petite fille! Attendez! Vous avez envoyé un androïde! Venez, madame! Vous ne pouvez pas rester Attendez. Là! Attendez! Vous ne pouvez pas faire ça! Vous devez envoyer un véritable être humain! Capitaine Allen, je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par CyberLife. Il tire sur tout ce qui bouge, sans scrupule. Il a déjà descendu 2 de mes gars. La priorité, c'est de sauver cette gamine. Alors faites ce qu'il faut pour lui remettre les idées en place. Ou bien je l'envoie en enfer. Faites pas un pas de plus, sinon je saute! Non, pitié, je veux pas mourir! On se calme, Daniel! Je m'appelle Connor! Vous n'irez nulle part! Ce qui m'inquiète, c'est de savoir si vous comptez faire une victime de plus! C'est moi qui ai les cartes en main! Si je meurs, elle meurt aussi! Qu'est-ce qui vous a pris? Vous êtes conçu pour servir les humains, pas les tuer! Et qu'est-ce que ça fait de moi exactement? Une vulgaire marionnette? Un esclave? Vous êtes une machine, vous devez obéir, alors posez cette arme et relâchez l'otage! J'ai passé toute ma vie à obéir aux ordres. Cette fois, c'est à mon tour de décider. Cette fois, c'est à mon tour de décider. C'est une sorte de mise en abîme de la figure du joueur, ce que dit Daniel. Exactement. Donc, c'est la toute première scène du jeu. Et en fait, on découvre ce personnage de Connor qui est un prototype d'androïde qui a été conçu pour aider les humains sur des enquêtes. Et il est envoyé sur cette prise d'otage où un androïde a pris en otage une petite fille sur le toit d'un immeuble et il va devoir intervenir. Évidemment, c'est le joueur qui décide. C'est lui qui mène les négociations. Et en fonction des choix du joueur, évidemment, bah, il va arriver à sauver tout le monde, à se sauver, etc. Ou pas. Ou pas. Donc, c'est vraiment lui qui raconte son histoire. Ce qui est intéressant, on voit, parce que c'est difficile de rendre compte, puisque évidemment les choix on les fait à la manette, ils se présentent, il y a une liste de choix qui apparaît sur l'écran, et donc il faut appuyer sur le bouton qui définit le choix, donc on l'entend pas là. Mais dans les dialogues, oui, c'est comme voilà, ça que ça marche. C'est ça. Mais après, le reste du temps, on est en contrôle libre du personnage. Bien sûr. On fait ce qu'on veut. Mais ce qu'on entend là, surtout, c'est la pression en termes d'audio, par exemple, qu'on met sur les joueurs à travers la musique, à travers le rythme, à travers la tension, et donc, ce qui est intéressant, ce qui fait le sel de Detroit Become Human, mais de la plupart des jeux que vous avez fait jusqu'à présent, c'est précisément cette mise en tension du joueur et de dire il faut réagir tout de suite et prendre des choix qui vont être des choix immédiatement déterminés. Absolument. Ce qui est important pour nous, c'est cette notion de pression du temps. Souvent, les jeux vidéo mettent le temps en pause et on a tout le temps qu'on veut pour choisir ce qu'on veut dire ou pour prendre une décision. En fait, nous, ce qu'on a découvert depuis 22 ans qu'on fait ce type de jeu, c'est que la pression du temps est quelque chose d'extrêmement fort. Quand il faut réfléchir vite, on prend la décision qui nous vient spontanément, mais on n'a pas le temps de poser sa manette pour réfléchir. Et nous, c'est ce qu'on aime. C'est vraiment prendre le joueur par les tripes et le confronter à ses décisions quelque part d'instinct. Et comme vous venez de le dire, d'ailleurs, c'était l'une des bandes annonces qu'on peut vous mettre sur le fil Twitter de l'émission, où on voit, par exemple, à un moment donné, dans cette situation de prise d'otage, bon, ben, paf, Connor arrive à sauver la petite fille et l'androïde. Connor n'y arrive pas, Connor se fait tuer, l'androïde saute avec la petite fille. Bref, il y a tout un tas d'embranchements et qui vont petit à petit avoir des répercussions sur l'intégralité du scénario. Comment est-ce qu'on travaille avec un scénario, sur un scénario qui a autant de ramifications, David Cage ? Concrètement. Un immense tableau, punaise des choses. D'abord, ça prend énormément de temps. C'est vrai qu'au départ, la première chose qu'on se dit quand on commence à travailler sur Detroit, c'est qu'on veut faire un jeu dont le joueur est vraiment le héros. Et on veut pas tricher, c'est-à-dire on veut pas d'artefacts, on veut pas faire croire au joueur qu'il y a des choix, mais en fait ça revient sur la même chose. On veut vraiment créer une expérience sur laquelle ses choix vont l'amener vers des scènes complètement différentes, vont donner des importances différentes à différents personnages, des personnages qui vont mourir au bout de quelques minutes, ou au contraire qui vont nous accompagner jusqu'à la fin et devenir des personnages prépondérants. Il y a des pans entiers de l'histoire qu'on peut voir ou ne pas voir, ou en voir différentes versions en fonction de comment on joue. Donc ça, c'est la première décision qu'on prend, qui est une décision très difficile parce qu'on accepte l'idée qu'on va développer des choses pour peut-être 10% des joueurs. Mmh. Et en fait, on accepte cette idée, on se dit tant pis, ça vaut le coup, on va le faire. Ensuite, c'est un temps d'écriture qui est relativement long, c'est plus de 2 ans d'écriture. C'est 5000 pages de script. Pour donner une idée, un script de film, c'est une centaine de pages, là on est à 5000 pages. Pourquoi ? Bah parce qu'on raconte tout le champ des possibles, c'est pas une histoire qu'on raconte, c'est tout ce qui peut se passer, toutes les variations possible de ce fil narratif qu'on a développé à travers 3 personnages. Donc il y a une vraie complexité, on travaille d'un côté avec un traitement de texte, parce qu'il faut écrire ça et ça ressemble beaucoup à un script de film, quelque part il y a des dialogues, il y a des descriptions de lieux, etc. Mais on travaille aussi avec une arborescence, et donc avec un outil d'arborescence sur lequel on va commencer à tirer des diagrammes, avoir des variables, des conditions, si j'ai fait ça ici, alors il se passe ça là, etc. etc. Et surtout on travaille avec une équipe qui va énormément m'aider à essayer de ne rien oublier, de pas oublier de cas, et surtout de proposer toutes les variations possibles de cette histoire. C'est combien de personnes? Alors, sur Detroit, au total, on a été 200 pendant près de 4 ans. C'est un budget de 30 millions d'euros? Le budget n'a pas été annoncé, mais c'est en général, les jeux AAA de cette qualité-là, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros. C'est celui que j'ai vu en me renseignant. Donc ce qui est intéressant dans Detroit, par rapport, puisque encore une fois, cette structure d'arborescence, c'est celle que vous développez depuis Fahrenheit, mais là, il y a quelque chose que vous avez amené en plus, c'est que cette arborescence arborescence, elle devient visible aux joueurs. C'est-à-dire qu'une fois qu'on termine un chapitre, d'un seul coup, on voit l'arborescence s'afficher et on voit sur cette arborescence quel est le chemin que l'on a pris. Alors, les autres chemins ne sont pas révélés, mais on voit quel est le chemin que l'on a suivi. C'est ça. C'est un grand changement pour nous, parce que c'est vrai que la tendance a toujours été à un petit peu cacher la mécanique derrière les jeux qu'on fait et de laisser tout ça assez invisible aux joueurs. Mais on s'est aussi rendu compte que beaucoup de joueurs, parce que c'était tellement invisible qu'en fait ils ne voyaient pas, ils ne se rendaient pas compte de tout ce qu'il y avait dans la scène et de qu'il y avait d'autres manières de jouer cette scène qui auraient été radicalement différentes. Donc on a fait le choix un peu radical aussi, de dire on va exposer ça, on va montrer l'arborescence à la fin de chaque scène au joueur, lui montrer le chemin qu'il a parcouru, mais aussi lui montrer toutes les branches qu'il n'a pas débloquées et lui donner envie de revenir et de rejouer. Et ça fonctionne extraordinairement bien sur les retours qu'on a des joueurs. Tout à coup, ils se rendent compte du travail qu'il y a derrière et ils ont juste qu'une envie, c'est de revenir et de voir tout ce qu'ils ont manqué. Et de facto, comme vous le disiez, l'arborescence que vous montrez, que l'on dévoile scène après scène, elle est présente en fait de facto derrière tous les jeux vidéo, mais vous lui avez, avec vos systèmes de jeu, donné justement cette saveur d'envie de revoir, de l'explorer beaucoup plus. Et du coup, nous sommes allés interroger à ce propos la fondatrice d'une autre société de développement de jeux vidéo qui est elle aussi très très attachée à la structure narrative des jeux qu'elle développe, c'est Jeanne Rousseau, patronne du studio Spiders. L'arborescence dialogue, ça existe depuis très longtemps, enfin en tout cas dans le jeu de rôle, ça existe depuis très longtemps. Effectivement, le jeu d'aventure a mis du temps avant de s'approprier aussi cette intégration d'un système par arborescence. Peut-être effectivement que David Cage a été un des pionniers à décider de ramener ça dans le jeu d'aventure, dans le jeu purement narratif. Peut-être aussi, et finalement, pas aussi poussé dans le côté cinématographique et narratif. Il faut se dire que ça, on va arriver au bout d'un moment un tel nombre de choix que ça va se compter en millions d'embranchements en fait. Pour suivre le parcours et les choix d'un seul joueur, ces choix multiples, chaque arborescence, à chaque fois qu'on propose plusieurs choix, ça va déboucher sur à nouveau plusieurs choix et ainsi de suite. Mais évidemment, pour rendre les choses surtout avec la qualité de cinématique et de rendu visuel de l'expérience qu'on peut trouver dans les jeux de David Cage, on est à un moment donné obligé quand même de, on va dire, de créer des nœuds historiques, c'est-à-dire que on va récupérer un certain nombre de branches pour les faire passer par un point de passage obligatoire. En fait, c'est des ressorts narratifs qu'on est parfois obligé d'utiliser, même assez souvent quand justement on fait des choix arborescence multiples, pour pouvoir de temps en temps quand même reprendre la main sur un récit qui et pas juste une succession de choix alternatifs. Quoi. En gros, la totale liberté a tendance à faire de la mauvaise narration et vice versa. Ce qui ne veut pas dire que ça sera toujours le cas. Il y a des tentatives qui ont été faites en narration procédurale. C'est-à-dire que procédurale, c'est quelque chose qui va générer au fur et à mesure, donc en l'occurrence, là, ça serait de la narration, mais qui peut, par exemple, générer du terrain ou générer un décor, enfin, peu importe, de manière aléatoire. Mais aléatoire cadré par des règles. C'est-à-dire que on définit un certain nombre de règles. On ne peut pas, par exemple, utiliser une texture de ciel pour le sol. C'est décidé de base pour éviter d'avoir un truc où on a l'impression qu'il y a un trou. Pour la narration, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faudrait définir un certain nombre de règles pour avoir quand même une histoire qui tient debout. Et à partir de là, le procédural permettrait d'avoir potentiellement une histoire qui réagirait complètement et qui serait du coup unique à chaque jeu au choix du joueur. Pour l'instant, honnêtement, les tentatives qui ont été faites dans ce domaine-là sont relativement limitées. Si on peut imaginer éventuellement d'avoir des petits morceaux d'histoire avec des mots de manière procédurale, le faire et en plus y accoler une mise en scène, ça devient quelque chose qui pour l'instant n'est techniquement pas faisable. Voilà, il y a encore, alors on a beaucoup progressé néanmoins, entre Fahrenheit et aujourd'hui Detroit Become Human, la possibilité de ces arborescences est aussi corrélée à la puissance des machines et des consoles, en l'occurrence c'est une exclusivité sur PlayStation. Que pensez-vous de ce que vous venez d'entendre, David Cage? Oui, il y a beaucoup de choses, Jeanne connaît évidemment bien son sujet. C'est vrai que la narration procédurale, c'est quelque chose dont on est encore très très loin, c'est-à-dire le jour où on aura un logiciel qui sera capable de générer une histoire dynamiquement. Pour l'instant, on ne peut pas remplacer un auteur qui lui porte ses personnages, etc., et ses émotions. Maintenant, encore une fois, sur Détroit, on a essayé de travailler un peu différemment de ce que décrit Jeanne, où on n'a pas des points de passage. On a vraiment un jeu qui raconte une histoire assez complexe avec cette arborescence, et en démultipliant les branches et les sous-branches et les sous-sous-branches, on arrive vraiment à avoir une granularité dans les choix qu'on a qui devient vraiment intéressante. Mais quand elle parle de points de passage, elle ne dit pas qu'en fait, vous faites artificiellement reconverger les histoires, mais de dire qu'à un moment donné, vous choisissez d'ouvrir une porte, de sortir dans le jardin, de monter sur le toit, ou ou d'aller sur la route, et que quoi qu'il arrive, et quel que soit le choix que vous allez faire, il va se mettre à pleuvoir. Et c'est ça, ces points de passage. C'est-à-dire que de temps en temps, on revient à des événements qui vont se produire, quels que soient les choix que vous ayez effectués. C'est en partie vrai, mais encore une fois, Détroit fonctionne un tout petit peu différemment, je pense. Il y a évidemment une histoire, hein, et cette histoire, elle ne peut pas changer diamétralement, mais par contre, elle évolue vraiment en fonction des décisions du joueur. Est-ce qu'on peut parler encore, parce que c'était encore le cas dans Heavy Rain, par exemple, vous disiez, il y a 7 ou 9 fins possibles. Là, on n'est plus du tout, on ne peut plus dénombrer les fins possibles de Détroit. Enfin, on peut les dénombrer certainement, mais ça n'a plus de sens. Ça devient très compliqué. On nous a souvent posé la question lors de la promotion du jeu. Et en fait, on a été plusieurs de l'équipe à avoir la même réponse sans s'être consulté. On ne sait pas. Mmh. Et on ne sait pas parce qu'en fait, il y a énormément de combinatoires. C'est qu'est-ce que le joueur a fait? Quel personnage est mort? Quel personnage est vivant? Etc. Et on ne sait plus. Mmh. Donc, sur Heavy Rain, il y avait 23 fins en tout, si je me rappelle bien. Là, on ne sait pas. Honnêtement, il y a sûrement moyen de les compter. Mais en fait, il y a tellement de combinatoires possibles que ça devient assez difficile. Vous déclariez David Cage dans Le Monde en 2013. J'aime bien cette citation. J'aimerais vous y faire réagir 5 ans plus tard. Tout le sens de mon travail depuis la création de Quantic Dream est de montrer que l'interactivité est une forme d'expression à part entière et pas uniquement un jouet ou un défouloir. Il est possible d'aborder n'importe quel thème, n'importe quel sujet, dès lors qu'on accepte de rompre avec certaines traditions du jeu vidéo, dont l'utilisation de mécaniques répétitives basées sur la violence gratuite. Il est possible d'interagir autrement, de redonner du sens aux actions du joueur, d'utiliser l'interactivité comme vecteur d'émotion, et on découvre soudain un média qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on en voit parfois aujourd'hui. Alors, je suis très content de ma citation parce que j'ai dit ça en 2013 et je pense qu'en 2018, en tout cas, ce qu'on fait avec Détroit est cohérent avec ce que je disais à ce moment-là. Dire que le jeu vidéo est un moyen d'expression, c'est quelque chose qui dérange, c'est quelque chose qui a pas forcément facile, y compris au sein de la communauté des joueurs. Il y a des gens qui sont farouchement hostiles à ça, à cette idée. Mais en dehors, les gens qui sont moins familiers des jeux vidéo, quand on leur dit ça peut être un moyen d'expression, il y en a qui froncent les sourcils aussi en disant mais de quoi parlez-vous ? Donc c'est un peu une bataille sur un peu tous les fronts, d'essayer de convaincre. Et on a passé beaucoup d'années à en parler, à essayer de convaincre en faisant des citations comme celle dans cette interview. Et puis, à un moment, on se dit, il faut le faire, il faut arrêter de le raconter, il faut montrer que c'est possible. Et avec Détroit, c'est ce qu'on tente de faire, et voilà, aux joueurs de juger. L'interactivité comme vecteur d'émotion, c'est peut-être ça la clé, le point commun de vos travaux, vraiment de jouer sur un registre émotionnel qui est quand même... Alors, depuis peu, c'est en train de changer, je vous ferai réagir là-dessus tout à l'heure, mais qui est assez absent en général du jeu vidéo, l'émotion stricte, brute. Oui, alors c'est vraiment, moi ça a été mon point de départ dans mon travail depuis toujours. Ce qui m'intéresse, c'est ce que ressent le joueur. Ce qu'il y a de très particulier, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, dans un film, on va être passif. C'est-à-dire qu'on est assis dans la salle de cinéma, on regarde le film, on peut ressentir des choses, mais on ne va pas changer ce qui est à l'écran. Quand l'acteur fait un choix, c'est pas notre choix, c'est son choix. Le jeu vidéo, ou l'interactivité de manière générale, est le seul média dans lequel on est acteur de ce qui se passe et on peut modifier ce qui se passe à travers ses choix. Donc quand un personnage fait un choix dans une de nos expériences, c'est pas le personnage qui fait le choix, c'est le joueur qui va le faire. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que tout à coup, la relation à l'expérience, la relation à la narration, à l'émotion, est radicalement différente. On est dans la peau du personnage, on partage ses choix et donc on ressent ses émotions. Et moi, c'est ce qui me fascine absolument dans ce média, c'est de pouvoir raconter une histoire avec 2 millions de personnes en 2 semaines, comme vous l'avez dit. Aujourd'hui, les ventes sont à combien ? On est, je veux pas des tout derniers chiffres, mais on a passé très vite le cap du million et voilà, c'est un jeu qui est vendu au niveau mondial, puisqu'on a des ventes à peu près dans tous les pays, avec des très fortes ventes en Asie, et notamment au Japon, on a des performances qui sont absolument incroyables en termes de ventes. Ce qui est un marché en général compliqué pour les jeux vidéo occidentaux. Absolument. Il y a vraiment une culture de jeux vidéo qui est très très distincte. Très différente, normalement très hardcore, c'est-à-dire vraiment très jeux vidéo, c'est le combat ou c'est le tir. Là, ou le RPG, là c'est très différent. Le jeu de rôle, RPG, role-playing game. C'est ça. Et en fait, là, il y a un vrai engouement autour du jeu qui est absolument passionnant. Sur cette notion de choix, moi j'avais une remarque à vous faire, qui est en partie une remarque personnelle liée à mon expérience de jeu, sur le fait qu'il pourrait y avoir peut-être encore un effort à faire, et je vous le soumets et vous me direz ce que vous en pensez, David Cage, pour neutraliser encore un peu plus les choix faits par les joueurs. Parce que souvent, dans les choix proposés dans vos jeux, notamment dans Detroit, on est facilement dans on réussit une action ou on rate une action. Et donc, si on réussit ou on rate, rater, c'est forcément une expérience jugée personnellement comme un peu plus négative. On a envie de réussir les actions et de pas faire rater les personnages. Or, souvent, rater, ça peut ouvrir d'autres embranchements narratifs qui ne sont pas forcément négatifs. Est-ce qu'il n'y aurait pas justement un effort à pour essayer de neutraliser un peu plus ce rapport réussite-échec? Alors nous, on a voulu beaucoup travailler là-dessus sur Détroit et ne pas faire en sorte que réussir soit forcément la meilleure option, mais vraiment donner aux joueurs le choix. Est-ce que je veux réussir parce que je comprends pourquoi, ou est-ce que je me dis que peut-être le meilleur choix c'est d'échouer? Un exemple très concret dans le jeu, il y a un moment, Connor, qui est un des personnages qu'on joue, qui est lancé à la poursuite de Kara et elle s'échappe. Et ce sont deux personnages contrôlés par le joueur. On va d'abord jouer Kara qui s'enfuit, essayer de la sauver avec cette petite fille qui s'appelle Alice, et ensuite on va jouer Connor qui la poursuit. Énormément de joueurs ont fait le choix de ne pas aller au bout de la poursuite avec Connor parce qu'il voulait que Kara s'échappe. Et donc, en fait, c'était un cas que vous citez dans lequel échouer amène autre chose, amène de la narration aussi. Et on a beaucoup de cas comme ça. Il y a des pans entiers du jeu qu'on ne peut découvrir que si on échoue. Si on échoue. Mais ça, c'est quelque chose d'assez particulier à intégrer pour une mécanique de joueur, parce que le jeu, c'est quand même beaucoup. Là, en l'occurrence, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais ce sont des QTE, donc ça veut dire qu'il faut enchaîner un certain nombre d'appuis sur des touches, de mouvements avec la manette pour réussir ces actions-là. Quand on joue, on est appelé naturellement à avoir envie de réussir les épreuves qu'on nous met entre les doigts. Oui et non, parce qu'en fait, les choix qui sont vraiment importants, comme celui que je citais, ce sont des choix qui sont vraiment dans le contrôle du joueur. C'est lui qui décide s'il veut poursuivre ou s'il veut pas se lancer dans cette poursuite. C'est lui qui va décider. On a essayé de redonner du sens à beaucoup de choses qui sont parfois des choses iconiques du jeu vidéo. On n'a pas de game over. Le jeu ne se termine pas. Si un personnage meurt, l'histoire continue et ça devient un événement de l'histoire. Donc on est allé à l'encontre de cette convention du jeu vidéo. Dans un jeu vidéo, rien n'est plus commun que tuer des gens. On fait ça à longueur de jeu vidéo, on en tue des milliers, on fait même plus attention. Nous, on a essayé dans Détroit de faire que lorsque je dois appuyer sur une gâchette, ça se produit deux ou trois fois sur 12 heures de jeu, ça devient quelque chose de vraiment signifiant, de porteur de sens, qui va avoir des vraies conséquences. Mmh. On essaye de faire en sorte qu'on peut choisir d'échouer, on peut choisir de ne pas aller à l'affrontement, on peut choisir un certain nombre de choses sans que le joueur soit pénalisé. Ce sont simplement des péripéties dans l'histoire qui vont avoir des conséquences. En même temps, alors il n'y a effectivement pas de game over, mais si on perd l'un des personnages, on a quand même le sentiment de perdre une partie de l'histoire. Oui. Oui, en fait, si, un peu quand même. Mais l'idée, en fait, en tout cas, moi, ce que j'essaye de communiquer, je crois que j'ai été pas mal suivi par les joueurs, c'était de leur dire, jouez votre première partie d'une traite. Même si vous perdez un personnage, continuez à aller au bout, parce que cette première histoire est votre histoire d'instinct. C'est la vôtre, c'est celle qui est unique. Et quand vous allez rejouer, vous allez faire des choix qui vont être des choix un peu plus calculés, en disant, ah, tiens, j'ai fait ça la dernière fois, ce coup-ci je vais faire ça. Ou mon personnage est mort là, je vais essayer de le faire survivre là. La première histoire, c'est la vraie histoire et c'est celle qui est propre à vos choix. Et moi, rien ne me passionne plus que d'avoir des joueurs qui viennent me parler ou de les voir, les entendre se parler ou d'aller sur les forums. Il y a une communauté incroyable qui parle, qui se filme en train de jouer. Il y a des gens qui font des montages des gens en train de se filmer en train de jouer pour montrer les réactions, les surprises, les gens en larmes avec leur manette. Franchement, voir des gens pleurer, on a vu ça pendant la phase de test du jeu, c'est quelque chose que j'avais jamais vu en 22 ans. C'est vraiment quelque chose d'assez étonnant d'arriver à toucher les gens intimement à ce point-là. Pleurer devant un jeu vidéo, c'est quelque chose pour les gens qui ne sont pas familiers des jeux vidéo, ça doit sembler incroyable. Par contre, on trouve ça tout à fait normal de pleurer au cinéma, de pleurer à la télévision, de pleurer au théâtre, devant une œuvre d'art, etc. Devant un jeu vidéo, c'est quelque chose qui est inusité et c'est quelque chose dont on est relativement fier. Alors, vous pouvez être, parce qu'effectivement, ça marche assez bien. Ce qui m'amène à mon autre question, parce que il m'est arrivé de pleurer devant un jeu vidéo. Ce n'était pas votre jeu pour la première fois. C'était une autre écurie qui fait des jeux très particuliers aussi, qui s'appelle Naughty Dog. Qu'est-ce que vous pensez? C'est sur The Last of Us, qui est un jeu qui m'a beaucoup ému, qu'on considère comme, pareil, le renouveau d'une certaine forme de narration, qui n'emprunte pas du tout les mêmes chemins que vous, mais qui a quand même quelque chose sur l'aspect narratif, émotionnel, qui est pas loin de votre démarche, David. Qu'est-ce que vous en pensez? Le jeu vidéo évolue beaucoup ces 10-15 dernières années, j'ai envie de dire, et c'est vrai qu'on a certaines personnes ont encore la caricature des jeux vidéo comme étant purement de la violence sans sens, sans émotion, mais on voit arriver de plus en plus d'expériences qui intègrent l'émotion, qui intègrent la narration, qui ont des personnages de plus en plus étudiés, de plus en plus profonds, et avec comme but avoué d'émouvoir le joueur. Et je pense que quelque part, c'est toute forme d'expression a pour but d'émouvoir le joueur, de le faire réfléchir, de le faire ressentir avant tout. Il y a quelque chose de vous trouvez quelque chose de commun avec les jeux développés par le studio Naughty Dog sur l'extrême réalisme, sur l'extrême empathie qu'on peut ressentir auprès des personnages, l'extrême incarnation, la même volonté d'aller dans une forme de narration accompagnée. Oui, après il y a des différences qui sont vraiment notoires. C'est qu'il y a des choses qu'on partage, des choses qu'on partage pas. Mais oui, c'est un des studios qui explore explore cette voie-là à sa manière, avec son propre style, évidemment, et avec beaucoup de succès. Donc, c'est quelque chose qui est en train d'arriver, et non pas pour dire tous les jeux vidéo doivent être narratifs ou avec de l'émotion, il doit y en avoir pour tous les goûts, mais je pense qu'on va voir arriver de plus en plus de jeux qui vont suivre cette voie, pour plusieurs raisons. D'abord parce que je crois que le public, il y a une partie du public qui vieillit aussi et qui a d'autres attentes. Aujourd'hui, les joueurs de la première heure dont je fais partie, qui ont aujourd'hui 40 ans ou qui abordent la cinquantaine, sont des gens qui ont d'autres attentes dans leur expérience interactive. Puis je crois aussi que les game designers eux-mêmes, les gens qui créent ces jeux, n'ont plus tous 20 ans, et puis on a envie de faire des jeux différents qui sont peut-être un peu plus profonds et un peu plus signifiants. Justement, sur votre expérience de gamer, vous, des jeux comme les vieux jeux de Sierra au milieu des années 90, Phantasmagoria, etc., sont des jeux qui commençaient un peu à explorer cette voie-là. C'était des jeux en capture, enfin avec des vrais acteurs incrustés dans des décors numériques, et où on était déjà dans une forme de narration accompagnée. Alors là, je vais parler aux très vieux joueurs comme moi. Oui, il y a toute une génération de jeux d'aventure qui ont été vraiment des pionniers dans ce genre. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, par exemple, lesquels pour vous? Le premier qui me vient à l'esprit, c'est par exemple Blade Runner de Westwood. Tout à fait. C'était quoi Blade Runner? C'était une histoire dont vous êtes le héros et vous allez faire des choix et l'histoire va changer en fonction de vos choix. C'est exactement C'est pareil, fin 90, fin 98. Oui, voilà. Alors la technologie, le visuel, la manière de faire, etc. a changé puisque la technologie a progressé. Puis on progresse, on apprend aussi de ce média. Mais l'intention, en tout cas, de créer une histoire dont le joueur est le héros existe depuis très longtemps. C'est pas quelque chose qu'on a inventé, mais c'est quelque chose qu'on essaye de pousser plus loin technologiquement, artistiquement, d'avoir une démarche cinématographique aussi, de travailler avec des acteurs qu'on scanne en motion capture, etc. Et puis d'apporter du sens aussi dans le jeu, d'avoir des histoires qui racontent quelque chose. Je voudrais juste préciser aussi que il faut savoir que les développeurs français ont joué historiquement un rôle extrêmement important. Il y a eu des pionniers du jeu vidéo. Je pense à Eric Chahi, je pense à Philippe Reynald, je pense à Philippe Ulrich, Rémi Herbulot, etc. Ce sont des gens qui ont joué un vrai rôle. Il y a eu Lancor à l'époque, il y a eu Silmarils, il y a eu... Voilà, c'est des noms qui disent rien au grand public, mais les vieux joueurs, on s'en rappelle. La méthode scientifique, Nicolas Martin. What my father said, I forgot what he said. I forgot what my mother said as we lay on your bed. A city full of flowers, a city full of rain. I got 7 days to live my life, or 7 ways to die. I forgot what my brother said, I forgot what he said. I don't regret anything at all, I remember how we were on a bridge of violent people. I was small enough to cry. I got 7 days to live my life, or 7 ways to die. Hold my face before you, still my trembling heart. 7 days is to live my life, or 7 ways to die. Listen to the shadows, I play among the graves. My heart was never broken, my patience. Seven de David Bowie sur France Culture dans la méthode scientifique. Pourquoi David Bowie et Seven de l'album Hours? Eh bien parce que nous recevons David Cage tout au long de cette heure. David Cage qui est le patron du studio Quantic Dreams qui vient de sortir le jeu vidéo Detroit Become Human. Et on vient d'écouter donc un extrait de l'album Hours qui a été quasiment... On peut dire quasiment composé pour votre jeu, David Cage, The Nomad Soul. Enfin, il a composé plusieurs titres qu'on a retrouvés sur l'album Hours. C'est ça, avec Chris Gabriel. Sur notre premier jeu qui s'appelait Nomad Soul, qui est sorti en 99. On a eu l'immense bonheur de collaborer avec David Bowie. Comment ça s'est passé? C'est quand même fou de collaborer avec David Bowie. Alors, ça s'est passé de la manière la plus banale qui soit. En fait, on rêvait d'une collaboration musicale, puisque moi je venais du monde de la musique et j'étais vraiment très conscient de l'importance de la musique dans une expérience interactive. Et donc, on se fait une liste de gens avec qui on rêverait de travailler, et David Bowie finit évidemment tout en haut de la liste. Et voilà, on se dit il acceptera jamais, mais en fait il accepte de nous rencontrer. On doit se rencontrer un quart d'heure, et en fait on va passer deux heures ensemble à lui parler du jeu, lui montrer les designs, lui montrer le prototype, parler de comment on imagine l'histoire, l'économie, le système politique, l'art dans cet univers là et en fait il en ressort passionné, et en tout cas il nous dit voilà, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et en fait on lui dit bah, on rêverait d'utiliser une de vos chansons, on voudrait utiliser Heroes. Et il fait non, je vais pas faire ça, je vais vous écrire un album. Et donc on se regarde tous en se disant mais il plaisante. Et en fait non, il était très sérieux. Et en fait c'est exactement ce qui s'est passé. Il a écrit 12 chansons originales pour le jeu, il a 2h30 de musique instrumentale, il a joué deux rôles pour deux personnages dans le jeu. Et voilà, et là, pour la petite anecdote, il est venu à ce premier rendez-vous en nous présentant son fils de 14 ans, Duncan Jones, qui il nous le présente en nous disant c'est mon spécialiste en jeux vidéo. Duncan Jones allait devenir évidemment réalisateur de films aujourd'hui, il travaille sur Moon, il travaille sur World of Warcraft. Et sur Warcraft surtout, il a tourné absolument au cinéma Warcraft, qui est un autre grand jeu multijoueur. Et puis ouais, voilà, c'est la rencontre avec David Bowie, qui était très très technophile à cette époque-là. Il était très intéressé par ce qui se passait sur Internet, par le jeu vidéo. Et ça donne ce projet assez fou qui s'appelait Omicron The Nomad Soul. Oui, c'était quelqu'un de très passionné. En fait, moi je lui ai posé la question une fois, clairement on se connaissait un petit peu, et je lui ai dit voilà, pourquoi tu as accepté? Et en fait il me dit j'ai accepté parce que je l'avais jamais fait. Et je crois que ça résumait assez bien le personnage, qui était éminemment talentueux, humble, professionnel, évidemment tout ce qu'on a pu en dire de bien, mais qui était aussi quelqu'un qui était profondément humain, passionné, et qui m'a dit à plusieurs reprises, surtout ne changez rien pour moi, moi je suis là pour servir ta vision. Et je peux vous dire, c'est quelque chose d'incroyable quand même. Quelqu'un du niveau de David Bowie qui vous dit ça, ça fait une impression, ça c'est sûr. Pour un premier jeu vidéo en plus, pour une structure qui était en cours d'être développée, c'était effectivement un pas assez épatant. Et puis si vous voulez vous replonger dans la discographie de David Bowie, je vais faire un peu d'autopromo, on va vous remettre le lien vers la grande traversée que j'avais produite il y a deux ans pour France Culture, de 4 épisodes de 2 heures où on reparcourt toute la discographie de David Bowie, vraiment à la musique, retour à sa musique depuis les débuts jusqu'à son dernier album. On va parler encore un peu de musique avec vous, David Cage, puisque c'est votre premier métier, la musique. Vous êtes compositeur, comme je l'évoquais au début de cette émission, et dans vos jeux, la musique, on l'entendait tout à l'heure dans l'extrait, dans l'extrême tension que ça peut imprimer au moment de faire des choix décisifs. On va mettre un autre extrait de musique, écoutez. C'est l'un des thèmes de l'un des personnages, et cette particularité dans Detroit Become Human, c'est que vous avez fait appel à 3 compositeurs pour chacun des personnages qui sont incarnés par le joueur. Absolument, c'est un projet fou dans un projet fou. C'était l'idée d'avoir un compositeur par personnage pour que chacun ait son identité, son univers musical d'une certaine manière. Donc là on entend le thème de Kara, qui est l'œuvre d'un compositeur anglais qui s'appelle Philip Shepard, qui est violoncelliste au départ, et donc il a composé tout, et c'est, tout est joué live avec des vrais instruments. Il retravaille ça. On a travaillé avec un compositeur iranien qui travaille à Los Angeles, qui s'appelle Nima Fakrara, qui travaille sur qui invente des instruments, il crée des instruments. Donc on va dans son studio qui est gigantesque. Il a des espèces de tiges en bronze qui font 5 mètres de long, sur lesquelles il tape avec un marteau, avec qui récupère le son avec un micro d'ampli de guitare. Enfin, voilà, il crée complètement une musique. Il a fait la track de Connor, et puis un autre compositeur qui s'appelle John Paisano, qui a travaillé sur de la musique épique avec grand orchestre, vraiment une soundtrack orchestral avec des chœurs, et pour quelque chose qui est très épique et très, très aventure. C'est effectivement, ça donne une tonalité très très particulière. Comment vous avez travaillé et sur les jeux précédents, hein, sur Heavy Rain, la bande son est très très très importante, ouais, aussi. Ouais. C'était l'œuvre d'un compositeur qui s'appelle Norman Corbel, qui est malheureusement décédé, mais qui était quelqu'un d'immensément talentueux, qui avait travaillé avec Angelo Badalamenti énormément, qui était le compositeur de Twin Peaks, avec qui on avait travaillé sur mon jeu précédent. On a toujours eu beaucoup de chance. Angelo Badalamenti, vous avez travaillé avec lui sur Fahrenheit. On a toujours eu énormément de chance sur nos collaborations musicales de David Bowie. Sur Beyond, c'était Hans Zimmer, Lorne Balfe, qui ont travaillé sur Batman, sur Inception, etc. Et on travaille exactement comme un réalisateur de film, c'est-à-dire qu'on parle d'intention, on parle d'émotion, on va les voir, on discute du script, on discute des personnages, du ressenti, on est difficile, on est exigeant, on leur casse les pieds, on s'engueule, on s'aime, c'est toutes ces histoires-là. C'est exactement pareil qu'une la relation entre un réalisateur de film et un compositeur, sauf que nous on travaille sur une bande originale qui va faire une dizaine d'heures. Qui est faite par donc 3 compositeurs, on l'a vu, dans des styles et des registres totalement différents. Et surtout, ça va être de la musique interactive, c'est-à-dire que la musique va s'adapter aux actions du joueur. Et ça, c'est aussi une autre manière de penser la musique. C'est totalement invisible, inaudible, j'ai envie de dire, pour le joueur, qui a l'impression que la musique a été composée pour ce qu'il est en train de faire. En fait, elle s'adapte dynamiquement aux actions du joueur. On va aussi replonger tout de même un peu, parce que on parle de ce jeu Detroit de façon un peu générique. On a voulu faire l'expérience de jeu elle-même. Donc c'est Céline Lozen qui a rencontré Julien Foussereau, qui est journaliste de jeux vidéo à Télérama, qui a abordé sa console. Ils se sont calés devant un écran et puis ils ont joué à Detroit. Je vais vous montrer une scène qui est intéressante. Prenons par exemple l'Eden Club. L'Eden Club, c'est pas mal. C'est un hommage qui est clairement à Blade Runner, notamment la fameuse track de la danseuse exotique. Donc là, on arrive sur la scène de crime. Voilà. Donc, visiblement, un humain est mort, une androïde sexuelle gît à côté. Donc, première phase qui, pour moi, était assez intéressante, il nous demande d'examiner la scène de crime. Donc là, on se retrouve à un premier choix. Voilà, un premier choix. Donc là, je me dirige vers la victime et j'examine. On me demande d'analyser les indices. Avec sa supervision, il voit qu'il n'y a aucun signe d'accident cardiaque. Donc, déjà, premier indice, donc trace de strangulation, cause de la mort, asphyxie. Il scanne sa base de données. Voilà, Michael Graham, taille 1m88, 87 kg. Voilà. Et là, ensuite, il me demande de reconstituer. Donc, pour l'instant, la reconstitution est inachevée. Il y a une timeline, il y a le début et l'arrivée. Donc, il manque des éléments. Voilà, et là, en fait, on est sur, effectivement, un élément, une zone grise, on nous demande d'interagir, et là, on en conclut que la victime a été étranglée. Donc là, on a un choix de dialogue. Parce que jusqu'ici, il y a eu peu de manœuvres, enfin de... On va dire de degré de liberté, en fait. Voilà, mais en fait, tout passe par le dialogue. Voilà, où on peut... Donc coupable ou fait, donc on lui expose les faits. Donc là, il y a un souci, parce qu'effectivement... Il n'y a pas vraiment de choix. Par exemple, Telltale, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des fois où ne pas répondre vaut aussi pour une réponse. Je décide de ne pas répondre. Et malgré tout... Donc, là, ça va un peu vite, mais on fait le choix de répondre à ces interrogations. Tout à fait. Donc là, déjà, on a un chrono. Donc on a 2 minutes. Elle est retournée dans le club. Ah, c'est super bien fait. Non, c'est... Il y a une phase enquête. Donc, qui dit enquête... 10 jeux. Bon, mais c'est un peu grossier là. Elle avance vers nous pendant 3 km et se tue elle-même sans qu'on puisse faire quoi que ce soit ni reculer. C'est en fait, effectivement, là c'est le côté démiurge de David Cage. Donc en faisant un choix, on tue 2 personnes. Voilà. Alors que si on l'avait laissé partir, ça aurait fait effectivement. Ça aurait eu d'autres conséquences. Mais par rapport justement à cet arbre des possibles qui sous-tend la narration de ce jeu, est-ce que... Déjà, je vais vous montrer l'arborescence. L'arborescence est assez intéressante parce qu'en fait, justement, David Cage a accompli quelque chose que je trouve vraiment intéressant. On a sous les yeux toute l'architecture du jeu, en fait, voilà. Tous les possibles. Et vous pouvez voir à quel point ils sont vastes. Et c'est là où, en fait, le jeu devient vraiment vertigine. Vous voyez, suivre Hank sur la scène du crime, écoutez Briefing. Pour l'instant, c'est ultra linéaire. Mais tu vois, chercher les indices, mais en fait, à un moment donné, c'est trouver un témoin oculaire Android, mais déjà, en fait, il y a un chemin qui a été manqué. Donc, il peut être ensuite raccroché, en fait, si on ne trouve pas à temps sur les 3 minutes. Il y a un échec de la mission, et malgré tout, le jeu continue, et on passe à autre chose, sur un autre embranchement. Et là, ce qui est intéressant avec Detroit Become Human, c'est qu'en fait, même si des fois ça va à l'encontre de la cohérence du récit, il y a une idée de remodelage narratif qui est extrêmement poussée, qui rend en fait le jeu très intéressant. Effectivement, si vous jouez à Detroit Become Human, vaut mieux le faire une première fois d'une traite. Mais revenir après dessus est quelque chose d'intéressant. Oui, les Julien Fousseroy, les mêmes conseils que vous, David Cage. Il faut jouer d'abord d'une traite. Non, ce qui est intéressant dans cet extrait, outre le fait qu'on comprenne à peu près la mécanique d'enquête, parce que ça n'est pas que des choix moraux, il faut aussi reconstituer, il y a tout le travail d'enquêteur que l'on peut faire avec Connor. Ce que j'aime bien, c'est la référence à Blade Runner, par exemple. C'est quoi vos références pour Detroit? Est-ce qu'elle est consciente ou elle est inconsciente? Non, alors cette scène est clairement connoté, c'est une scène typique de film noir où on arrive dans un bordel. La prostituée qui a été assassinée dans un bordel. Alors, moi ma référence était Black Dahlia. C'est ça, oui. Avant, mais c'est vrai que c'est un code qui a été repris, enfin qui est un classique du film noir. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de revisiter cette scène de genre, mais avec des androïdes, puisqu'on arrive dans cette espèce de sex club dans lequel il n'y a que des androïdes, et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé exactement. C'est une scène d'enquête. Classique. On pirate les androïdes pour avoir accès à leur mémoire. Exactement, avec un chronomètre qui tourne. Il faut se dépêcher avant que les mémoires soient effacées. Oui, il y a la pression du temps. Il va falloir essayer de comprendre très vite ce qui s'est passé. On peut totalement échouer. C'est pas un échec. C'est simplement, voilà, Connor y allait. Il n'a pas résolu l'enquête. Il repart et l'enchaîne. Ça continue. Ça aura des conséquences par la suite. Réussir aura des conséquences. Si on retrouve là où les meurtrières, ben, on les tue, on les laisse partir. Ça aura aussi des conséquences. Tout ce qu'on va faire, tous les choix qu'on va faire vont avoir des conséquences sur l'histoire. Blade Runner, c'est un peu l'alpha et l'oméga quand on fait un jeu ou quand on travaille autour de la question des androïdes humanoïdes qui ressemblent à l'être humain, qui s'éveillent à la conscience. C'est un film qui a marqué une génération, la mienne notamment. C'est un vrai chef-d'œuvre. C'est un film qu'on peut re-regarder encore aujourd'hui, qui reste. Mais l'œuvre de Kadic est passionnante. Mais il y a l'œuvre de Gibson. Moi, je suis un grand fanat de ce qu'on appelle l'âge d'or de la SF, qui sont tous ces auteurs des années 50, 60. Donc plutôt Asimov, Herbert. Moi, j'aime Herbert est une référence, voilà, 1984 et Bradbury, Simak, enfin tous ces gens-là sont des auteurs incroyables et qui sont d'une modernité invraisemblable. Plus justement que Gibson aujourd'hui, que Spinrad, que la génération d'après. Oui, en tout cas en ce qui me concerne subjectivement, parce que Gibson est allé très loin dans ce qui était très ultra techno, et c'est vrai que c'est des choses. William Gibson, le romancien, voilà, qui était le père du cyberpunk en quelque sorte. C'est ça. Et ce qui était vraiment un mouvement fascinant au moment où il a été initié, ce qui est, moi, pas totalement ma tasse de thé, mais évidemment que ça a marqué tout le monde malgré tout, et que moi comme d'autres, on a été touchés par tout ça. Comment est-ce qu'on travaille, David Cage, avec des comédiens quand on a autant de choses à tourner? J'ai lu 365 jours de tournage, il faut imaginer qu'un long métrage de 2 heures, c'est, quand c'est long, c'est 3 mois. Donc là, un an complet de tournage avec les comédiens, c'est un travail acharné, éprouvant pour vous, pour eux. Titanesque, et vraiment, c'est difficile d'expliquer ça aux gens qui ne sont pas forcément familiers de cet univers-là, mais c'est un travail très éprouvant. C'est des centaines de pages de dialogues à apprendre par cœur pour les acteurs. En motion capture, donc voilà. Il faut imaginer qu'ils sont en pyjama avec des boules sur les visages, dans un décor vert. Ils ont une combinaison particulière, effectivement, pour capturer leur mouvement. Donc c'est tourné comme un film. On est sur un plateau, il y a un décor, les acteurs sont ensemble lorsqu'ils ont des scènes de dialogue, etc. Donc c'est pareil qu'un film. En fait, ça ressemble peut-être plus à une scène de théâtre, puisque là, vraiment, il n'y a pas de caméra, en fait. On a des caméras à 360 degrés tout autour du plateau et on va capturer leur mouvement, puis ça sera filmé dans un deuxième temps. Donc on demande aux acteurs d'apprendre des centaines de pages de dialogue. Surtout, la difficulté de ces dialogues, c'est qu'ils sont interactifs, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a 4 choix, on propose à chaque fois au joueur ce qu'il veut dire. Bah, il faut que l'acteur, il enregistre ces 4 phrases. phrases, qu'on enregistre les quatre réponses aux quatre phrases, que éventuellement ces choix eux-mêmes aient des conséquences dans le dialogue. Donc on arrive sur des choses très compliquées à écrire, mais aussi à tourner, à mémoriser, etc. Et on veut la même qualité, la même émotion, évidemment, dans toutes les répliques. Gros travail donc, hein, j'ai dit Jesse Williams, mais aussi Brian Descartes et Valérie Curie qui jouent les trois personnages principaux. Il faut dire, il y a 300 acteurs en tout dans le cast, ce qui est vraiment énorme. Puis il y a eu des cascadeurs, on a travaillé avec une petite fille, on a travaillé avec plusieurs petites filles de 9 ans, parce qu'il y a un des personnages qui s'appelle Alice. Donc on a travaillé avec des petites filles jusqu'à des stars de Hollywood, on a eu vraiment énormément de plaisir. Il faut peut-être mentionner Clancy Brown, qui est un acteur absolument extraordinaire qu'on a pu voir dans Les Évadés notamment. Par exemple, incroyable. La Caravane de l'étrange aussi. Absolument, c'est une merveilleuse série. Absolument, on partage absolument ça. Le prêtre complètement maléfique. J'ai adoré cette série. Et Lance Henriksen, qui était une collaboration très importante et très émouvante pour nous. Lance a plus de 70 ans, mais c'était surtout Bishop dans Alien. Évidemment, un androïde, donc un clin d'œil extraordinaire. Un des plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Et qui joue un être humain. Et c'était un clin d'œil incroyable. Puis la voir sur le plateau, on a l'impression d'avoir un pan de cinéma sur son plateau. C'était une expérience incroyable. On arrive dans les dernières minutes de cette émission. J'imagine que vous êtes déjà à pied d'œuvre sur le prochain projet ou vous respirez un peu là ? On respire en réfléchissant. Vous respirez en réfléchissant à des tas de choses. D'abord, on prend beaucoup de plaisir à écouter les joueurs et à suivre un peu ce qu'ils disent sur les forums, sur Twitch, sur YouTube, sur les réseaux sociaux de manière générale. C'est un vrai, vrai bonheur de voir aujourd'hui les réactions au jeu. C'est, faut que les gens comprennent que c'est 4 ans de travail acharné, qu'il y a beaucoup de pression quand le jeu sort, qu'on se demande vraiment si on a perdu 4 ans de sa vie, entre guillemets. Mmh. Et c'est vrai, quand on voit les réactions dans le monde entier aujourd'hui, de la Russie au Japon, en passant par les États-Unis, on voit les réaction, on est absolument charmé, très heureux de ce travail. Et puis soulagé, parce que c'est vrai, on peut dire sans que ce soit mal pris ou mal perçu, que c'est vrai que les réactions avaient été plus disons en demi-teinte pour le jeu précédent, pour Beyond Two Souls, qui avait pas eu cet enthousiasme qu'il y a aujourd'hui pour Detroit. C'était un jeu qui était un peu plus intimiste, c'était Beyond avec l'actrice Ellen Page et William Dafoe. Moi, ça reste une de mes expériences à titre personnel préférée dans le travail qu'on a pu faire. C'était plus intimiste, ça a touché certainement moins de gens parce que c'était un peu plus entre guillemets barré. Mais c'est un jeu dont nous on est encore très fiers. Mais oui, les réactions à Détroit sont encore meilleures et tant mieux. Pour conclure, aujourd'hui Quantic Dream, c'est donc un studio français. La France est un pays confortable, attractif pour développer des jeux vidéo. Les choses ont beaucoup changé, pour être franc avec vous, parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, il y a notamment le Québec au Canada qui avait des appels de pied fiscaux extrêmement importants, de manière assez agressive dans le bon sens du terme, mais qui avait attiré énormément de talents, y compris beaucoup de talents français. Et c'est vrai qu'à Quantic Dream, on s'est beaucoup battu vis-à-vis des gouvernements français qui sont succédés, mais aussi vis-à-vis de Bruxelles, pour expliquer qu'on pouvait pas laisser l'Europe se faire piller ses talents. Et qu'il fallait absolument qu'on réagisse. Et en fait, on a eu l'immense bonheur d'être suivi là-dedans par les gouvernements français qui sont succédés, mais aussi par Bruxelles, pour permettre de continuer de développer en France et de garder nos talents ici, ce qui a été absolument essentiel pour nous. Merci beaucoup, David Cage, d'avoir passé cette heure ici en notre compagnie. Merci à vous. Merci de parler de jeux vidéo sur France Culture et de dire que le jeu vidéo, c'est aussi de la culture. Mais absolument. Et vous savez que je suis un farouche défenseur et nous en reparlerons à l'occasion, dès que l'occasion se présentera. C'était en tout cas un plaisir de pouvoir discuter avec vous. Si vous ne connaissez pas encore les travaux, les jeux de David Cage, il va falloir vous acheter une console. Ce sont des exclusivités PlayStation, donc en l'occurrence Detroit Become Human sur PS4, mais Heavy Rain ou les jeux précédents sur les consoles des modèles précédents. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Antoine Beauchamp, Sarah Richemont, Céline Lausanne et Étienne Nunagui de Saint-Vulfranc, Elisabeth Miro à la réalisation, Alex Dang à la technique. La suite de vos aventures sur France Culture, dans un instant, c'est le 4e et dernier épisode de la série documentaire de la semaine Le Génie des Bébés par Nejma Bouakra et Franck Lilin. Tout à l'heure à 18h20, du grain à moudre, Hervé Gardette demandera jusqu'où pousser le sens de l'hospitalité à ses invités. Pour ce qui nous concerne demain, eh bien c'est la dernière de la saison. Et oui, déjà, mais on ne va pas vous abandonner comme ça. On va vous laisser avec plein de science-fiction à lire, à regarder ou à jouer. On retrouve une dizaine d'habitués de la méthode scientifique autour de la table et autour des micros. Plein d'idées merveilleuses pour vous mettre de la SF plein la valise. Ne ratez pas le rendez-vous, c'est demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.